إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد. On continue la lecture, la traduction du tafsir de Cheikh Abdul Rahman ibn Nasir al-Nisa'di rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, on entame le tafsir de Surat al-Mursalat, Surat les envoyés. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, par ceux qu'on envoie en rafale, qui soufflent en tempête et qui dispersent largement, par ceux qui séparent nettement et lancent un rappel pour ôter toute excuse ou pour avertir, ce qui vous est promis est inéluctable. Quand donc les étoiles seront effacées, que le ciel sera fendu et que les montagnes seront pulvérisées, et que le moment, c'est-à-dire pour la réunion des messagers, aura été fixé, à quel jour tout cela a-t-il été renvoyé? Au jour de la décision. Et qui te dira ce qu'est le jour de la décision? Malheur ce jour-là à ceux qui crient au mensonge. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أقسم تعالى على البعث والجزاء بالأعمال بالمرسلات عرفا وهي الملائكة التي يرسلها الله تعالى بشؤونه القدرية وتدبير العالم وبشؤونه الشرعية ووحيه إلى رسله وعرفا حال من المرسلات أي أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة لا بالنكر والعبث فالعاصفات عصفا وهي أيضا الملائكة التي يرسلها الله تعالى وصفها بالمبادرة لأمره وسرعة تنفيذ أوامره كالريح العاصف أو أن العاصفات الرياح الشديدة التي يسرع هبوبها والناشرات نشرا يحتمل أنها الملائكة تنشر ما دبرت على نشره تنشر ما دبرت على نشره أو أنها السحاب التي ينشر بها الله الأرض التي ينشر بها الله الأرض فيحييها بعد موتها فالملقيات ذكرى هي الملائكة تلقي أشرف الأوامر وهو الذكر الذي يرحم الله به عباده ويذكرهم فيه منافعهم ومصالحهم تلقيه إلى الرسل عذرا أو نذرا أي إعذارا أو إنذارا أي إعذارا وإنذارا للناس تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطع معذرتهم فلا يكون لهم حجة على الله إنما توعدون من البعث والجزاء على الأعمال لواقع أي متحتم وقوعه من غير شك ولا ارتياب فإذا وقع حصل من التغير للعالم والأهوال الشديدة ما يزعج القلوب وتشتد له الكروب فتنطمس النجوم أي تتناثر وتزول عن أماكنها وتنسف الجبال فتكون كالهباء المنثور، وتكون هي والأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وذلك اليوم هو اليوم الذي أقتت فيه الرسل وأجلت للحكم بينها وبين أممها. Donc il dit rahimahullah ta'ala en expliquant ces premiers versets de surat al-Mursalat. Donc tafsir surat al-Mursalat wa hiya makkiyah, l'explication de surat al-Mursalat, les envoyés, qui est une surat mekkoise. Donc le cheikh rahimahullah explique les versets 1 à 15. Il dit rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par la résurrection. A juré pour prouver la réalité de la résurrection et la rétribution des actes. Allah Azza wa Jal a juré par Al-Mursalat Urfa. Ce sont les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie pour ses affaires liées, pour les affaires liées à ses décrets, subhanahu wa ta'ala, et à la gestion du monde. De même qu'il envoie les anges pour les affaires religieuses et également pour transmettre la révélation aux prophètes. Et ici, il faut savoir que la majorité des mufassirines considère que, ici dans ce verset, « Wal-mursalati urfa », ceux qu'on envoie en rafale. Que ici, ce qui est voulu, c'est le vent qui est envoyé en rafale. Et l'autre probabilité de ce verset, comme cela est rapporté par certains salafs, que ce sont les anges. Et c'est l'avis qu'a opté Cheikh Saadi, rahimahullahu ta'ala. Pour ça que dans la traduction, on voit ceux qu'on envoie en rafale. Et il est possible que le traducteur ait opté pour l'explication qu'ont donnée la majorité des savants. Wa urfa, en rafale, halu min al-mursalat. C'est un adjectif où c'est ce qui montre la situation de ceux qui sont envoyés au moment où ils agissent. Al-hal, en arabe, c'est wasfun yudhkaru li bayani hay'ati sahibihi 'inda wuqu'i al-fi'l. Donc en langue arabe, al-hal, c'est une description qui explique la situation dans laquelle est celui qui fait l'action. Donc ici, Allah Azza wa Jalla dit « Wal-mursalati urfa » ceux qu'on envoie en rafale. C'est-à-dire, Cheikh Saadi dit, c'est-à-dire que les anges ont été envoyés avec bienfait et sagesse, non avec des choses détestables ou futiles. Donc ici, « urfa », on le traduit par « rafale » si on parle du vent, donc les vents qui sont envoyés par rafale, ou soit on parle des anges, dans ce cas-là, « urfa » ne veut pas dire « rafale », mais veut dire « bien » et « bien fait ».« Fal'asifat et asfa » qui souffle en tempête. Il dit, rahimahullah, ce sont également les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie. Et Allah azza wa jal les a décrits, c'est-à-dire a décrit ces anges, comme étant des êtres qui s'empressent d'obéir et de mettre en application ses ordres, comme un vent violent, comme un vent furieux. Et il dit, rahimahullah, ou al-asifat signifie les vents violents, dont le souffle est extrêmement rapide. Donc ici, Cheikh Saadi, rahimahullah, cite la deuxième éventualité de l'explication de ce verset, à savoir que l'asifat et asfa, soit l'on parle des anges qui s'empressent à appliquer les ordres d'Allah aussi vite que le vent rapide, ou soit l'asifat et asfa signifie les vents violents dont le souffle est extrêmement fort et rapide. والناشرات نشرا يحتمل أنها donc والناشرات نشرا qui disperse largement. Ici il dit rahimahullah qu'il est possible ici que ce soit les anges qui soient désignés et que ces anges diffusent et dispersent ce qui leur a été chargé de disperser. Ou bien ce qui est voulu par ce verset, que ce sont les nuages qu'Allah subhanahu wa ta'ala disperse sur la terre afin de la faire revivre après sa mort, afin de faire revivre la terre après sa mort. Comment les nuages font revivre la terre après sa mort? En faisant tomber de la pluie. فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَ et lance un rappel. Il dit, rahimahullah, ce sont les anges qui lancent les ordres les plus nobles, qui est le rappel à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde à ses serviteurs. Un rappel dans lequel il y a l'intérêt et le bien de ses serviteurs. Et ces anges font parvenir ce rappel et ce message au prophète et envoyé d'Allah alayhi salam. فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَ donc et lance un rappel. Le rappel ici c'est la révélation d'Allah azza wa jal. Elle le lance, c'est-à-dire elles le font parvenir à qui? Les anges, ils le font parvenir à qui? Au prophète. عُذْرًا أَوْ نُذْرًا pour ôter toute excuse aux gens ou pour avertir. C'est-à-dire pour que ce message qui parviendra aux gens fasse en sorte que ces personnes ne trouvent plus d'excuses après que ce message leur soit parvenu. Et également, en même temps, ce message est un avertissement pour eux. Il avertit les gens de ce qui les attend comme chose terrifiante. Et ce rappel également mettra un terme à toutes les excuses. Ainsi, ces gens n'auront aucune excuse à apporter devant Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَوَاقِعِ ce qui vous est promis, c'est-à-dire comme résurrection et rétribution de vos actes, la waqi' est inéluctable. C'est-à-dire que cela arrivera inévitablement, sans aucun doute. Et lorsque ce jour arrivera, le monde changera et apparaîtront des tourments extrêmement difficiles qui troubleront les cœurs et qui accentueront et accroîtront les angoisses. Ce jour-là, les étoiles s'effaceront, c'est-à-dire qu'elles se disperseront et disparaîtront de l'endroit où elles sont. Ce jour-là, les montagnes seront pulvérisées et elles seront comme de la poussière éparpillée. Ce jour-là, la terre et les étoiles et la terre et les montagnes seront comme une plaine dénudée. Tu n'y verras ni courbe, ni détour, ni endroit élevé. Et ce jour-là, c'est le jour dans lequel la réunion des messagers a été fixée afin qu'il y ait un jugement entre ses prophètes et leur communauté. ثم قال رحمه الله: ولهذا قال لأي يوم أجلت، استفهام للتعظيم والتفخيم والتهويل. ثم أجاب بقوله: ليوم الفصل، أي بين الخلائق بعضهم لبعض، وحساب كل منهم منفردا. ثم توعد المكذب بهذا اليوم فقال: ويل يومئذ للمكذبين، أي يا حسرتهم وشدة عذابهم وسوء منقلبهم. أخبرهم الله وأقسم لهم فلم يصدقوه فاستحقوا العقوبة البليغة. في الله سبحانه وتعالى دي لأي يوم وجلت. À quel jour tout cela a-t-il été renvoyé? Tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a cité, à quel jour tout cela a-t-il été renvoyé? C'est une question qui a pour but, ou c'est une interrogation qui a pour but de montrer l'immensité et la considération de ce jour et de montrer également les tourments qui y seront présents. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a répondu en disant لِيَوْمِ الْفَصْلِ, au jour de la décision. À quel jour tout cela a été renvoyé? Au jour de la décision. C'est-à-dire lorsque le jugement aura lieu entre les créatures, les unes entre les autres, lorsque chacun sera jugé de façon individuelle. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a menacé celui qui a traité de mensonge ce jour en disant « وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ » Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. C'est-à-dire que énormes seront leurs regrets et dur sera leur châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala leur a pourtant informé de ce jour. Allah azza wa jal a juré que ce jour allait avoir lieu, mais ils n'ont pas considéré vrai cela, ainsi ils méritent un dur châtiment. ثم قال تعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: n'avons-nous pas fait périr les premières, c'est-à-dire générations, puis ne les avons-nous pas fait suivre par les derniers? C'est ainsi que nous agissons avec les criminels. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي أما أهلكنا المكذبين السابقين ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرين وهذه سنته السابقة واللاحقة في كل مجرم لا بد من عذابه فلما لا تعتبرون بما ترون وتسمعون ويل يومئذ للمكذبين بعدما شاهدوا من الآيات البينات والعقوبات والمثلات. Il dit rahimahullah, c'est-à-dire, n'avons-nous pas fait périr et n'avons-nous pas détruit ceux qui ont traité de mensonge parmi les personnes qui vous ont précédé? Puis nous ferons suivre la destruction de ceux qui traiteront de mensonges également les derniers, c'est-à-dire les gens qui vont venir par la suite. Ceci est le décret d'Allah, antérieur et à venir. C'est le décret d'Allah envers tout criminel. Il sera sans aucun doute et obligatoirement châtié. Pourquoi donc ne raisonnez-vous pas de ce que vous voyez et de ce que vous entendez? Car est-ce que l'on voit les traces de ceux qui ont péri avant nous? Oui ou non? Oui, Celui qui veut, il peut les voir. Les traces des peuples et des générations qui ont traité de mensonges les prophètes qui étaient envoyés à eux, et Allah subhanahu wa ta'ala les a exterminés pour par cela. Et vous n'entendez pas, c'est-à-dire n'entendez-vous pas les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous cite le devenir et la destination qu'ont connu tous ceux qui vous ont précédé et qui ont traité de mensonges les paroles d'Allah et les envoyés d'Allah. Ainsi, Allah Azza wa Jal dit « Wailun yawma idhin lil mukadhibin » Ce jour-là, malheur à ceux qui criaient au mensonge. Après qu'ils aient constaté les signes évidents et les punitions ainsi que les châtiments exemplaires. ثم قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. Il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens, ne vous avons-nous pas créé d'une eau vile que nous avons placée dans un reposoir sûr pour une durée connue? Nous l'avons décrétée ainsi et nous décrétons tout de façon parfaite. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. قال رحمه الله أي أما خلقناكم أيها الآدميون من ماء مهين أي في غاية الحقارة خرج من بين الصلب والترائب حتى جعله الله في قرار مكين وهو الرحم به يستقر وينمو إلى قدر معلوم ووقت مقدر فقدرنا أي قدرنا ودبرنا ذلك الجنين في تلك الظلمات ونقلناه من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى أن جعله الله جسدا ثم نفخ فيه الروح ومنهم من يموت قبل ذلك فنعم القادرون يعني بذلك نفسه المقدسة حيث كان قدرا تابعا للحكمة موافقا للحمد ويل يومئذ للمكذبين بعدما بين الله لهم الآيات وأراهم العبر والبينات. Il dit rahimahullahu ta'ala, en expliquant ces versets 20 à 24 de sourate Al-Mursalat, c'est-à-dire, ne vous avons-nous pas créé, ô vous les fils d'Adam, d'une eau vile, c'est-à-dire d'une eau qui est extrêmement insignifiante, qui sort d'entre les lambes et les côtes, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait placé cette eau dans un reposoir sûr, qui est l'utérus, dans lequel cette eau reste et grandit. Il a qadarim ma'loum, pour une durée connue, c'est-à-dire une durée décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala et connue d'Allah azza wa jal. Faqadarna, nous l'avons décrété ainsi. C'est-à-dire que nous avons décrété et nous avons géré ce fœtus dans ses ténèbres, c'est-à-dire dans les ténèbres de l'utérus. Et nous l'avons fait passer d'un état à un autre, de la goutte de sperme vers l'adhérence, vers un embryon, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fait de cela un corps, puis qu'il y ait insufflé l'âme, et certains meurent avant cela. فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ Et nous décrétons de façon parfaite. Il parle ici, Allah Azza wa Jal parle de lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et nous décrétons de façon parfaite. Donc Allah Azza wa Jal parle de lui, subhanahu wa ta'ala, car les décrets découlent de la sagesse et sont conformes à la louange. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge, après qu'Allah Azza wa Jal leur ait montré les signes et leur a fait voir les leçons et les preuves. ثم قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. Il dit subhanahu wa ta'ala son le sens. N'avons-nous pas fait de la terre un endroit les contenant tous, les vivants ainsi que les morts? Et n'y avons-nous pas placé fermement de hautes montagnes? Et ne vous avons-nous pas abreuvé d'eau douce? Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أي أممتننا عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض لمصالحكم فجعلناها كفاتا لكم أحياء في الدور وأمواتا في القبور فكما أن الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنته فكذلك القبور رحمة في حقهم وسترا لهم عن كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها وجعلنا فيها رواسي أي جبالا ترسي الأرض لئلا تميد بأهلها فثبتها الله بالجبال الراسيات الشامخات أي الطوال العراض وأسقيناكم ماء فراتا أي عذبا زلالا قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ويل يومئذ للمكذبين مع ما أراهم الله من النعم التي انفرد الله بها واختصهم بها فقابلوها بالتكذيب. Donc il dit rahimahullah ta'ala en expliquant ces versets 25 à 28 de sourate al-Mursalat, c'est-à-dire ne vous avons-nous pas comblé de bienfaits en mettant à votre disposition la terre pour votre bien. Nous en avons fait, c'est-à-dire de la terre, un endroit qui vous contient. Vivant, il vous contient lorsque vous êtes vivant, c'est-à-dire dans vos maisons, et mort dans vos tombes. Donc la terre vous contient lorsque vous êtes dans vos maisons vivants, et elle vous contient lorsque vous êtes mort, enterré dans votre tombe. De la même façon donc, il dit rahimahullah, de la même façon que les demeures et les palais sont un bienfait d'Allah azawajal sur ses serviteurs, de la même façon les tombes sont un bienfait pour ses serviteurs. C'est une miséricorde d'Allah azawajal pour eux. C'est une chose qui les cache. La tombe cache le mort et le met à l'abri de tout ce qui pourrait lui être préjudiciable, comme des bêtes féroces ou autres. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي. Et nous y avons placé fermement de hautes montagnes, c'est-à-dire des montagnes qui sont comme une ancre pour la terre, afin qu'elle ne dévie pas et n'emporte pas avec elle ses habitants. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que cette terre soit ferme et stable par ces immenses montagnes, as-rasiyat ash-shamikhat, c'est-à-dire qui sont à la fois hautes et larges. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا, nous vous avons abreuvé d'une eau douce, c'est-à-dire d'une eau pure, une eau limpide et une eau douce. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets de Surat al-Waqi'ah, les versets 68 à 70, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit son le sens. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'a fait descendre du nuage, ou en sommes-nous les descendeurs? Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous pas reconnaissant? Puis Allah Azza wa Jal dit, « Waylun yawma idhi lil mukadhibin » Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Malgré ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré comme bienfait, dont Allah Azza wa Jal est le seul qui a le pouvoir de leur donner, dont Allah Azza wa Jal a accordé à l'être humain de façon spécifique et particulière, mais ils ont rejeté cela en le traitant de mensonge. Thumma qala ta'ala, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. الله سبحانه وتعالى dit son le sens. Allez vers ce que vous traitiez alors de mensonge. Allez vers une ombre, c'est-à-dire la fumée de l'enfer, à trois branches, qui n'est ni ombreuse ni capable de protéger contre la flamme, car le feu jette des étincelles volumineuses comme des châteaux et qu'on prendrait pour des chameaux jaunes. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. قال الشيخ السعدي رحمه الله هذا من الويل الذي أعد للمجرمين للمكذبين أن يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ثم فسر ذلك بقوله انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب أي ظل نار جهنم التي تتميز في خلاله ثلاث شعب أي قطع من النار أي تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به لا ظليل ذلك الظل أي لا راحة فيه ولا طمأنينة ولا يغني من مكث فيه من اللهب بل اللهب قد أحاط به يمنة ويسرة ومن كل جانب كما قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل وقال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ثم ذكر عظم شرر النار الدال على عظمها وفظاعتها وسوء منظرها فقال إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر وهي السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة وهذا يدل على أن النار مظلمة لهبها وجمرها وشررها وأنها سوداء كريهة المرأة شديدة الحرارة نسأل الله العافية منها ومن الأعمال المقربة منها ويل يومئذ للمكذبين. Il dit rahimahullah, cela, ces versets 29 à 33, Allah subhanahu wa ta'ala dit, que il dit, rahimahullah, que c'est là le malheur qui a été préparé aux criminels et à ceux qui traitaient de mensonges. Il leur sera dit le jour du jugement, allez vers ce que vous traitiez de mensonges. Puis Allah Azzawajal a expliqué cela en disant, allez vers une ombre, c'est-à-dire la fumée de l'enfer, à trois branches. C'est-à-dire vers la fumée du feu de l'enfer, qui a la particularité d'avoir trois branches, qui sont des parties de l'enfer. Et les savants disent que cette fumée monte, et tellement c'est une fumée qui est épaisse et dure, eh bien, lorsqu'elle monte, elle se sépare en trois branches. Puis il dit, rahimahullah, la zalil, qui n'est ni ombreuse. C'est-à-dire que cette ombre ne comporte aucune tranquillité et n'apporte aucune sérénité. Wala yurni, la zalil wala yurni, ni capable de protéger. C'est-à-dire que cette ombre ne peut protéger celui qui est en enfer, min al-lahab, contre les flammes. Au contraire, ces flammes encercleront celui qui est en enfer de toutes parts, à droite, à gauche et de toutes parts. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 16 de Sourate Az-Zumar, au-dessus d'eux, ils auront une couche de feu et des couches en dessous d'eux. Comme il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans le verset 41 de Sourate Al-A'raf, l'enfer leur servira de lit et comme couverture. Ils auront des voiles de ténèbres, ainsi nous rétribuons les injustes. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a cité l'immensité des étincelles de l'enfer, qui prouve l'immensité de cet enfer, qui prouve la cruauté de cet enfer et les mauvaises choses qui s'y trouvent. Il dit subhanahu wa ta'ala, innaha tarmi bi shararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr, car le feu jette des étincelles volumineuses comme des châteaux et comprendrait pour des chameaux jaunes, afwan. C'est-à-dire que cet enfer a, ou le feu de l'enfer a une couleur noire, un noir qui vire vers le jaune. Et cela prouve que l'enfer est sombre, son feu est sombre, sa braise est sombre et ses étincelles sont sombres. L'enfer est donc noir, a un aspect répugnant et est extrêmement chaud. Puis il dit, rahimahullah, nous demandons à Allah Azzawajal d'en être préservé et d'être préservé de tous les actes qui rapprochent de cet enfer. ثم قال تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. الله سبحانه وتعالى dit selon le sens, ce sera le jour où ils ne peuvent, où ils ne pourront pas parler, et ne leur sera pas donné la permission de s'excuser. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. C'est le jour de la décision, où nous vous réunirons ainsi que les anciens. Si vous disposez d'une ruse, rusez donc contre moi. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي هذا اليوم العظيم الشديد على المكذبين لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديد ولا يؤذن لهم فيعتذرون أي لا تقبل معذرتهم ولو اعتذروا فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين لنفصل بينكم ونحكم بين الخلائق فإن كان لكم كيد تقدرون على الخروج من ملكي وتنجون به من عذابي فكيدون أي ليس لكم قدرة ولا سلطان كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ففي ذلك اليوم تبطل حيل الظالمين ويضمحل مكرهم وكيدهم ويستسلمون لعذاب الله ويبين لهم كذبهم في تكذيبهم ويل يومئذ للمكذبين بلدي رحمه الله en expliquant ces versets 35 et 40 de Sourate al-Mursalat, c'est-à-dire que ce jour sera un jour immense et difficile pour ceux qui auront traité de mensonges ce jour. Ce jour-là, ils ne pourront parler à cause de la peur qui les envahira ainsi que de la forte appréhension qu'ils auront. Et ce jour-là, il ne leur sera pas permis de s'excuser. Leurs excuses ne seront pas acceptées quand bien même ils demandent pardon. Fayawma'idhin, et puis il cite le verset 57 de Surat al-Rum, dans lequel Allah Azza wa Jal dit son sens, « Ce jour-là, les excuses ne seront pas utiles aux injustes et on ne leur demandera pas de chercher à plaire à Allah. » Puis Allah Azza wa Jal dit, « هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين » C'est ce jour-là, de la décision où nous vous réunirons ainsi que les premiers, afin de juger entre vous et afin de juger entre les différentes créatures. Puis Allah Azza wa Jal dit, « فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْد » Si vous disposez d'une ruse par laquelle vous pourriez sortir de mon royaume ou une ruse par laquelle vous pourriez être épargné de mon châtiment, « فَكِيدُونَ » Alors rusez donc contre moi. C'est-à-dire que vous n'avez ni le pouvoir ni la capacité de le faire. Allah, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Sourate Ar-Rahman, le verset 33. Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, vous ne pourrez en sortir qu'avec l'aide d'un pouvoir illimité. Ainsi, ce jour-là, les feintes des injustes seront abolies et leur ruse sera anéantie. Ils se soumettront alors au châtiment d'Allah et ainsi, ce qu'ils traitaient de mensonge leur apparaîtra. Et Allah Azza wa Jal dit « وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ » Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. ثم قال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين إن دي سبحانه وتعالى Certes, les pieux seront parmi des ombrages et des sources, de même que des fruits selon leurs désirs. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous faisiez. En vérité, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. قال رحمه الله لما ذكر عقوبة المكذبين ذكر ثواب المحسنين فقال إن المتقين أي للتكذيب المتصفين بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، ولا يكونون كذلك إلا بأدائهم الواجبات وتركهم المحرمات في ظلال من كثرة الأشجار المتنوعة الزاهية البهية وعيون جارية من السلسبيل والرحيق وغيرهما وفواكه مما يشتهون، أي من خيار الفواكه وطيبها، ويقال لهم كلوا واشربوا من المكائل الشهية والأشربة اللذيذة هنيئا، أي من غير منغص ولا مكدر، ولا يتم هناؤه حتى يسلم الطعام والشراب من كل آفة ونقص، وحتى يجزم أنه غير منقطع ولا زائل بما كنتم تعملون، فأعمالكم هي السبب الموصل لكم إلى هذا النعيم المقيم. وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله، ولهذا قال: إنا كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين. ولو لم يكن لهم من هذا الويل إلا فوات هذا النعيم لكفى به حرمانا وخسرانا. الجي رحمه الله، lorsque الله سبحانه وتعالى a cité le châtiment de ceux qui ont traité de mensonge le jour dernier, il cite la récompense qu'il a réservée aux bienfaisants. Il dit, subhanahu wa ta'ala, les pieux, al-muttaqoun. Et la définition de la piété, c'est, qu'est-ce que la piété? C'est celui qui met un obstacle entre lui et le châtiment d'Allah. Et cet obstacle, c'est d'accomplir les bonnes œuvres et délaisser les mauvaises. C'est pour cela que Cheikh Saadi rahimahullah dit les pieux, c'est-à-dire ceux qui se sont abstenus de traiter de mensonges, ceux qui ont été caractérisés par le fait d'avoir considéré vrai les paroles d'Allah azawajal et les promesses d'Allah. Et cette véracité s'est révélée dans leurs paroles, dans leurs actes. Et cela ne peut avoir lieu de leur part qu'en ayant accompli les obligations et en délaissant les interdits. Fi dhilal, ils seront dans des ombrages, de par la grande quantité des arbres qu'il y aura au paradis et de par leur beauté également. Wa uyun, et des sources d'eau douce qui coulent, des sources de nectar et autres. وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ Ainsi, de même que des fruits selon leurs désirs. Ils auront les meilleurs fruits et les plus bons. Et il leur sera dit, c'est-à-dire à ces pieux qui seront au paradis, كُلُوا وَشْرَبُوا Mangez et buvez. Mangez de la nourriture délicieuse et buvez de ces boissons exquises, هَنِيَا agréablement. C'est-à-dire sans qu'il n'y ait aucun désagrément. Ainsi, le fait qu'ils boivent et mangent agréablement ne peut avoir lieu que lorsque leur nourriture et leur boisson soient absentes de tout défaut et de tout mal, et jusqu'à ce que eux, ceux qui boivent et ceux qui mangent parmi les gens du paradis, aient la certitude que cela ne sera jamais interrompu et que ce plaisir ne sera jamais amené à disparaître. Donc ici, Cheikh Saadi explique la parole hani'a, qu'ils boiront et mangeront agréablement, c'est-à-dire en ayant la certitude que ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent n'est que bien et que cela ne comporte aucun mal, que cela ne peut en aucun cas leur faire du mal, et tout en sachant que cela est éternel, car celui qui rentre au paradis n'en sortira jamais, et que cela n'est jamais amené à connaître une quelconque pénurie, comme on l'a vu hier ou avant-hier dans l'explication de Sourate Al-Insan. Puis Allah Azza wa Jalla dit bima kuntum ta'malun, parce que pour ce que vous faisiez. Ainsi vos actes sont la cause qui vous ont amené à ce bienfait permanent. Et également toute la bienfaisance dont vous avez fait preuve dans les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également la bienfaisance dont vous avez fait preuve à l'égard des serviteurs d'Allah. Pour cela qu'Allah azza wa jalla dit inna kadhalika najzi al muhsinin, ainsi nous récompensons les bienfaisants. Waylun yawma idhin lil mukaththibin, malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Puis il dit rahimahullah que s'il n'y avait comme malheur pour ceux qui ont traité de mensonge le jour dernier, s'il n'y avait comme malheur que le fait qu'ils soient passés outre tous ces bienfaits, cela aurait suffi comme privation et comme perdition. Mais bien sûr, les gens de l'enfer, en plus du regret qu'ils auront de ne pas pouvoir bénéficier des délices du paradis, eh bien, ils subiront également un châtiment douloureux. ثم قال تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens. Mangez et jouissez un peu, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas. Vous êtes certes des criminels. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Et quand on leur dit inclinez-vous, c'est-à-dire en prière, ils ne s'inclinent pas. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Après cela, c'est-à-dire après le Coran, en quelles paroles croiront-ils donc ? قال الشيخ السعدي رحمه الله هذا تهديد ووعيد للمكذبين أنهم وإن أكلوا في الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات وغفلوا عن القربات فإنهم مجرمون يستحقون ما يستحقه المجرمون فستنقطع عنهم اللذات وتبقى عليهم التبعات ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف العبادات وقيل لهم اركعوا امتنعوا من ذلك فأي إجرام فوق هذا وأي تكذيب يزيد على هذا ويل يومئذ للمكذبين ومن الويل عليهم أنهم تنسد عليهم أبواب التوفيق ويحرمون من كل خير فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن الكريم الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على الإطلاق فبأي حديث بعده يؤمنون أبالباطل الذي هو كاسمه لا يقوم عليه شبهة لا يقوم عليه شبهة فضلا عن الدليل أم بكلام كل مشرك كذاب أفاك مبين فليس بعد النور المبين إلا دياج الظلمات ولا بعد الصدق الذي قامت الأدلة والبراهين على صدقه إلا الكذب الصراح والإفك المبين الذي لا يليق إلا بمن يناسبه فتبا لهم ما أعماهم وويحا لهم ما أخسرهم وأشقاهم نسأل الله العفو والعافية إنه جواد كريم تمت. Il dit رحمه الله que cela est une menace et une menace envers les ceux qui ont traité de mensonges. Que même s'ils mangent dans cette vie d'ici-bas et boivent et jouissent des bienfaits mondains, malgré qu'ils soient insouciants vis-à-vis des adorations, ils sont en réalité des criminels et ils méritent ce que méritent les criminels. Tous ces délices seront amenés à s'arrêter et restera tout ce qu'ils ont fait comme mauvaise chose Et parmi leurs mauvaises choses qu'ils ont fait et parmi les crimes qu'ils ont commis, et que lorsque l'on leur ordonnait de faire la prière, qui est la plus noble des adorations, et que l'on leur disait « Irka'u, inclinez-vous », ils s'abstenaient de cela. Quel crime est au-dessus de celui-ci? Et quel mensonge, quel takdhib yazidu ala hadha, et quelle façon de traiter de mensonge le rappel d'Allah, quelle façon est plus grave que celle-ci? Waylun yawma idhil lil mukaththibin, malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Et parmi les malheurs qu'ils recevront, il y a le fait que se refermeront devant eux les portes de la réussite, et ils seront privés de tout bien, car ils ont traité de mensonge ce Coran, qui est le plus haut degré de véracité et de certitude de façon incontestable. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit « فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ » Après cela, c'est-à-dire après le Coran, en quelles paroles croiront-ils donc? Il dit, rahimahullah, « Est-ce à la fausseté qui, comme son nom, ne repose sur aucune ambiguïté à défaut de reposer sur une preuve? Ou bien croiront-ils à la parole de tous les associateurs, menteurs et calomnieurs? Il n'y a, après la lumière évidente, que les ténèbres. Il n'y a après la vérité évidente que les ténèbres. Il n'y a après la véracité qui est basée sur des preuves et des arguments inéluctables. Il n'y a après cela que le fait que le mensonge flagrant et la calomnie évidente. Puis il dit, rahimahullah, malheur à eux, comme ils sont aveugles, malheur à eux, grands seront leurs pertes et leurs malheurs. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal d'en être préservé. Innahu jawadun karim. Ainsi se termine le tafsir de Surat al-Mursalat, et ainsi on a terminé le tafsir, l'explication de Juz Tabarak.